choc, quelle lumière étincelante, quel éclatement. Le spectacle fut grandiose. Plus un arbre, plus rien. Nos yeux s'émerveillent devant la beauté de ces ruines. Permettez-moi d'admirer le pouvoir que vous avez de décider de votre condition. Et vous, quand ils y voulaient, c'est pas la première fois que ça arrive. Dégénération.